Ok. J'avais besoin de parler un petit peu aujourd'hui, me lâcher sur une feuille et dire ce que j'ai au fond de moi, alors j'ai pas hésité. 1993, c'est l'année de ma naissance. Je dis merci à mes parents, j'en suis très reconnaissant. Bébé, je me doutais pas que plus tard je serais sans avenir. Bref, je vis à Tours en HLM, je pige rien, je suis bien trop jeune. Bercé par des tandems, des lapouines et NDM. Je suis pas un gars de la thèse, pas besoin de ça pour être mal. J'ai jamais vendu de cesse, mais je rêve du réal. Je me pose beaucoup de questions, pourquoi la vie est ainsi faite. À 8 ans, je rêve de pognon et je veux déjà éviter les dettes. La belle époque, c'est pas l'enfance, car celle-ci fut écorchée. Un gamin de plus dans cette France a percuté ce putain de plancher. 2 ans s'écoulèrent avant que le pire soit évité. Aujourd'hui, je me roule par terre quand je repense à mon passé. Arrivé dans un village où les gens sont accueillants. J'avais déjà 10 ans d'âge et mes rêves sont effrayants. D.A.M. Yeah. Dis-moi comment sortir de ce chemin qui devient sombre. Dis-moi comment s'unir quand le moral est dans une tombe. Mais dis-moi comment prier quand Dieu n'existe pas. Dis-moi comment sortir quand le bonheur est dans une red bar. Mais dis-moi comment sortir de ce chemin qui devient sombre. Dis-moi comment s'unir quand le moral est dans une tombe. Mais dis-moi comment prier quand Dieu n'existe pas. Dis-moi comment sortir quand le bonheur est dans une red bar. Je tape mes tout premiers ballons avec des potes dans la cour. Je rêvais d'être un étalon qui attire les filles sans faire la cour. Le passage de la primaire au collège fut un succès. Mais quelques temps après, mes notes finirent par chuter. J'ai compris ne rien comprendre, alors je fous plus rien en cours. Et de façon, j'irai me pendre si les profs deviennent casse-couilles. Jeune et insouciant, j'ai négligé ce putain de lycée. Et j'efface tous mes soucis en passant mes soirs à chanter. Je rêve avoir du fric pour m'habiller en Louis Vuitton. Pouvoir aider l'Afrique et que ça me serve de piston. J'écris des bouts de phrases quand dans ma tête y'a de la crasse. Et ensuite je les efface quand le bonheur refait surface. J'essaye de vous faire kiffer à chacun de mes projets. Et si je me fais siffler, bah même comme ça je continuerai. Ok. D.A.M. 2012. Comment sortir de ce chemin qui devient sombre. Dis-moi comment s'unir quand le moral est dans une tombe. Mais dis-moi comment prier quand Dieu n'existe pas. Dis-moi comment sortir quand le bonheur est dans une red bar. Mais dis-moi comment sortir de ce chemin qui devient sombre. Dis-moi comment s'unir quand le moral est dans une tombe. Mais dis-moi comment prier quand Dieu n'existe pas. Dis-moi comment sortir quand le bonheur est dans une red bar. Ok. D.A.M. 2011, mise au point. J'ai pas tout dit sur cette musique, mais bon, j'essaye d'abréger parce que sinon ça allait être trop long. Donc voilà, c'est un peu la musique de ma vie, un résumé on va dire, un bon résumé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'écouter, ça me fait plaisir et j'espère que vous allez continuer. Merci encore une fois, D.A.M.